Chapitre 11e. Marthe était femme, forte et résolue dans la lutte. Elle redevenait faible lorsque le danger était passé, et alors elle subissait l'influence toute-puissante de ses nerfs. Avec son père, elle avait tenu bon, disputant le terrain pied à pied, se défendant quand même. Après l'avoir quitté à la porte du salon, elle avait encore monté l'escalier à pas compter, avec l'apparence du calme. Mais lorsqu'elle fut enfermée dans sa chambre, porte et fenêtre bien close, elle se jeta sur un fauteuil. C'était fini. Elle ne le verrait plus. Elle connaissait son père et savait qu'il ne revenait jamais sur ce qu'il avait dit. Qu'il eût tort ou qu'il eût raison, qu'il gagnât ou qu'il perdît, il s'en tenait rigoureusement à sa parole, et comme avec cela il avait une mémoire sûre, n'oubliant jamais rien, ce qu'il avait dit, il le faisait coûte que coûte. Ce qui chez lui avait été tout d'abord un principe était devenu à la longue, et par l'exagération naturelle de l'habitude, une manie qu'il portait dans les grandes comme dans les petites choses. « Allez, allez !» disait-il quand on le plaisantait à ce sujet. « Riez, je ne me fâcherai pas. Seulement citez-moi beaucoup de négociants dont la parole soit acceptée comme un billet. Moi, je n'ai jamais fait de billet. Tout le monde sait que quand j'ai dit « je paye le 31 », on peut se présenter le 31. » Avec un pareil caractère, il était certain que la condamnation prononcée contre Philippe serait irrévocable. Explication, raison, prière. M. Denis ne voudrait rien entendre. Il avait dit. Il avait dit que Philippe ne serait pas son gendre, rien ne ferait que celui-ci le fût. Il avait dit que Saint-Austreberte le serait, rien ne ferait que celui-ci ne le fût pas. On pouvait l'attaquer par tous les côtés, le prendre par la persuasion ou la tendresse, la tête ou le cœur, il ne se laisserait ni convaincre, ni émouvoir, il répéterait toujours « J'ai dit, il faut que cela soit ». La cloche du dîner vint surprendre Marthe au milieu de son désespoir. Elle n'avait pas conscience du temps qui s'était écoulé depuis l'arrivée de son père. Elle ne pensait plus, elle ne savait plus, elle était écrasée. La sonnerie de la cloche la rappela à la réalité. Il fallait descendre. Machinalement, elle se leva, mais elle était brisée, ses jambes fléchirent, il sentit que sa tête était lourde et vacillante. Il fallait se remettre cependant, réagir contre cet anéantissement, ressaisir sa raison et descendre. Sans doute, il le fallait, mais elle ne le pouvait pas, car plus elle faisait d'efforts pour fixer son esprit sur cette nécessité, plus ses idées se confondaient. Elle passait dans sa tête comme des éclairs dans un orage. Une lueur l'éblouissait, et instantanément elle retombait dans l'ombre noire, et toujours au cœur, elle sentait un coup sourd qui frappait et refrappait sans cesse. C'était fini, elle ne le verrait plus. Dans la confusion de ses sensations douloureuses, il lui sembla qu'on grattait à la porte de sa chambre. La honte d'être surprise dans cet état de prostration lui donna une secousse. Elle fit quelques pas vers cette porte. « Mademoiselle est-elle malade ?» demanda la voix de Clara. « Non. On attend mademoiselle pour dîner. C'est bien. » Le temps marchait donc bien vite. Il lui semblait que la sonnerie venait de cesser. Son père et sa belle-mère l'attendaient. Comment paraître devant eux, devant elle, la figure luisante de larmes, les yeux rougis? Elle se plongea la tête dans l'eau, mais le remède ne fut point efficace. Les traces de larmes disparurent. La bouffissure du visage, la rougeur des paupières, ne s'effacèrent point. En un tour de main, elle arrangea ses cheveux ébouriffés et elle descendit. Sous ses pas, les marches de l'escalier s'enfonçaient. Son père, sa belle-mère étaient à table, et le maître d'hôtel, en habit noir, en cravate blanche, se tenait debout, immobile et majestueux, devant le dressoir prêt à servir le potage. Le regard qu'il abaissa sur Marthe était indigné, et disait clairement qu'il ne comprenait pas que dans une honnête maison, une jeune fille se permît de faire attendre ainsi ses parents. Il avait été habitué à avoir mieux respecté les idées de famille chez le comte de Charénac et chez le marquis de Poligny, mais c'étaient des gens de race et non des bourgeois parvenus. « Nous t'attendons, » fit M. Denis d'une voix sévère. « Je vous demande pardon, je n'avais pas conscience de l'heure. » Ce n'était pas une excuse pour M. Denis, mais il ne poussa pas plus loin sa réprimande, car il ressentait une sorte de respect pour ce majestueux maître d'hôtel qui, à ses yeux, représentait le monde, et devant lui, il avait toujours peur de faire quelque chose qui ne fût pas conforme aux usages. Il n'avait pas été élevé à manger ainsi en représentation, et bien qu'il fût fier de le voir présider au service de sa table, il était quelquefois gêné par son regard. Alors il se disait qu'il payait peut-être un peu cher l'honneur d'avoir chez lui un pareil personnage, gai comme un commissaire des morts, et que ses déjeuners à son comptoir, au milieu de ses commis, avec un morceau de pain et de fromage, était plus agréable que ses dîners à son château, sous la surveillance de son maître d'hôtel. Mais quand ses idées lui traversaient l'esprit, il les chassait bien vite, pour revenir à celles que sa position lui imposait. Où irait la société si on acceptait des devoirs et des usages que ceux qui nous sont agréables? Sans Madame de Nice, le dîner se fût écoulé silencieux et lugubre, mais elle entretint la conversation à elle seule, et tandis que le père et la fille faisaient semblant de manger pour dissimuler leur émotion, elle paraissait plus libre, plus gaie qu'à l'ordinaire. Malgré son trouble, Marthe remarqua ce changement dans les manières de sa belle-mère. Mais elle était trop profondément absorbée dans sa préoccupation douloureuse pour en chercher la cause. Que lui importait d'ailleurs qu'elle fût triste ou qu'elle fût joyeuse. Il était de règle qu'après le dîner, M. Denis prenait son café sous la véranda, tandis que Marthe se mettait au piano dans le salon, lui faisait de la musique jusqu'au moment où il l'appelait. Elle n'osa pas manquer à la règle établie, et en sortant de table, elle alla s'asseoir devant son piano. Puis après avoir ouvert un morceau, elle se mit à jouer. Que jouait-elle? Elle n'en savait rien. Les notes dansaient devant ses yeux, elle faisait du bruit. Cependant, il y avait ce bon côté dans sa cruelle situation qu'elle était seule, et que pourvu qu'elle frappât les touches de ses doigts, elle pouvait ne plus se contraindre comme à table. Alors elle laissa couler les larmes qui l'étouffaient. Elle en éprouva une sorte de soulagement. Ses pleurs tombaient sur ses mains en grosses gouttes chaudes. Quelqu'un qui l'eût vue ainsi eût été touché, car, par une ironie du hasard, la musique qu'elle jouait était gaie et dansante. Tout à coup, elle entendit derrière elle la voix de sa belle-mère. « Vous pouvez ne plus jouer, » dit Madame de Nice. « Votre père est parti faire sa promenade dans le jardin. » Mais Marthe ne s'arrêta point, car elle eût été forcée de se retourner, et elle ne voulait pas montrer son visage baigné de larmes. Alors Madame Denis s'approcha d'elle et lui mettant la main sur l'épaule. « Pourquoi ne m'avez-vous pas tout dit, cher enfant, lors de notre entretien ?» Marthe oublia ses larmes et se retourna vivement. Sa belle-mère savait qu'elle aimait Philippe. Ce fut une nouvelle blessure s'ajoutant à celle qui l'avait déjà frappée. Cet amour qu'elle avait caché au plus profond de son âme, tout le monde le connaissait et s'en occupait. Le hasard a livré ce secret, continua Madame Denis, et cela est très fâcheux, car nous eussions pu peut-être disposer votre père à l'accueillir sans colère, tandis que maintenant il sera impossible de le faire revenir sur son premier sentiment. Impossible, dit Marthe, sans trop savoir ce qu'elle disait. Vous savez bien que votre père est l'esclave de ses premières impressions. Il me semble que vous avez eu grand tort de refuser obstinément la porte que je vous ouvrais. Marthe ne répondit pas. Ce n'était pas de savoir si elle avait eu tort ou raison qu'elle avait maintenant souci. C'était du présent, c'était de l'avenir. Ce que je vous ai demandé, dit-elle enfin, je vous le demande encore. Sauvez-moi de monsieur de Saint-Ostrebert. Il doit venir demain, obtenu de mon père que je ne le vois pas. Cela est impossible, ou tout au moins impossible pour moi, et si quelqu'un peut l'obtenir, c'est vous seul. Adressez-vous à votre père. Le voici, justement. Je vous laisse ensemble. Parlez-lui. Par la fenêtre du salon, Marthe vit son père rentrer dans la véranda et s'asseoir. Il prit un journal et parut vouloir le lire. Alors elle sortit du salon et se dirigea vers lui. Mais au bruit que faisaient ses pas sur les nattes de jonc, il ne leva pas la tête, et ce fut seulement lorsqu'elle fut contre lui qu'il la regarda. Alors elle s'agenouilla devant lui, lui prenant la main dans les siennes. « Oh père, dit-elle, je t'en supplie, pardonne-moi la peine que je te cause. » Elle le prit dans ses bras, et se relevant, elle l'embrassa. « Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit ? » demanda-t-il. « Réfléchis, non, dit-elle. J'ai pleuré, mais je réfléchirai, si tu le veux. Seulement, je t'en prie, permets-moi de rester demain dans ma chambre. Je serai malade, tout ce qu'on voudra. Dispense-moi de recevoir M. de Saint-Ostrebert. Je ne pourrai pas le voir. C'est plus fort que moi, plus fort que ma volonté de ne pas te peiner. As-tu oublié ce que je t'ai dit ? Non, oh non ! Eh bien alors, tu sais que je ne reviens jamais sur ce que j'ai dit. Je t'en prie. Tu m'as déjà fait beaucoup de peine. Ne m'en fais pas de nouveau. Épargne-moi au moins le chagrin d'une discussion. Qui m'eût dit, quand tu étais petite, docile et caressante, que je trouverais un jour en toi une volonté hostile à la mienne ? Oh, les enfants ! Il se leva et sortit de la véranda pour se promener de long en large. Au bout de quelques instants, Madame Denis revint, et alors il rentra. Marthe étouffait. Il lui semblait que sa tête allait éclater. Elle fit bonne contenance aussi longtemps qu'elle put, mais il vint un moment où les efforts qu'elle faisait pour se contenir furent impuissants. Alors elle s'approcha de son père. « Veux-tu me permettre de me retirer dans ma chambre » dit-elle. « Êtes-vous malade ?» demanda Madame Denis. « Malade, non. Mais je ne me sens pas bien. »« Laisse-la aller, » dit M. Denis en s'adressant à sa femme, puis d'une voix adoucie et se tournant vers sa fille. « Bonsoir, mon enfant. » Comme tous les soirs, elle se pencha sur lui et l'embrassa au front. Mais lui, comme tous les soirs, ne la prit point dans ses bras pour lui rendre son baiser. Madame Denis fit quelques pas avec elle. « Eh bien ? » dit-elle à voix basse. « Rien, je n'ai rien pu obtenir. » « Alors il faut vous résigner à la journée de demain, car je ne réussirai pas mieux que vous. »« Se résigner à la journée du lendemain ? Non, mille fois non. Voir sainte Ostrobert, entendre ses paroles d'amour, jamais. Plutôt que de subir ce supplice et cet outrage, elle aimait mieux quitter cette maison, s'enfuir, se sauver, n'importe où. »